Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici un temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Dieu nous donne un plein salut. Oui, et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Il est là, il te libère, il te touche. L'esprit de vie est là, l'esprit de paix est là, l'esprit consolateur est là, l'esprit qui régénère est là, l'esprit de Christ est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. guérir entre cette maladie qu'on a déclarée incurable. crois que tu ne vas pas sortir le nez. Il y a les celui qui est à côté de toi, tu es dans la zone du Saint-Esprit.